Chapitre 8, page 63, exercice 4. 1. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois rejoindre mon mari à Dijon ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste à la maison avec les enfants? 2. Je voudrais te demander quelque chose, mais je ne veux pas te déranger. Si c'est pas le moment, je peux repasser. 3. Je fais très attention à ce que je dis. Je choisis mon vocabulaire, sinon je risque de blesser ma collègue. 4. Eh bien, nous signerons dès que possible, dès que nous aurons tous les documents nécessaires. Il en manque encore quelques-uns, et comme c'est le week-end, tout cela est reporté à la semaine prochaine. 5. Oh, quelle histoire! Comme ma voiture était en panne, je suis allé chez mon voisin qui m'a gentiment prêté son vélo. J'ai filé à la gare et j'ai pris un premier train. Ensuite, j'ai pris deux bus et je suis quand même arrivé à l'heure à la réunion.